J'fume la frappe du Kofi, Kofi. J'fume la frappe jusqu'au filtre. HB vat comme Scofield. J'ai ma bûche, ma copine et une matraque télescopique. Faut qu'on nique tout. Faut qu'on nique tout. Faut qu'on nique tout. Faut qu'on nique tout. Faut qu'on nique tout. Faut qu'on nique tout. Faut qu'on nique tout. Faut qu'on nique tout. Y'a le 9, y'a le 12, y'a des pays à Reebok. Y'a des gens qui me dégoûtent et des gens sur mes côtes. Y'a des gens sur écoute qui gèrent, qui font les comptes. Y'a des vols à la russe, des règlements de compte. Joker la zone complètement dans le zoo. Joue avec la mais tu vas te la prendre dans le zouk. Ne me cherche pas là dans ma tête, c'est le zouk. Y'a des joujoux qui te font danser le zouk. RS puissant là, il faut que tu t'agrippes. Lunettes de ski, survêtement ma gris. J'ai problème matrix, avec le temps plus rien ne m'attriste. Nique le Covid, Covid. Tu vois les flics, Covid, Covid. Nique ce qui profite, profite. J'fume la frappe du Covid, Covid. J'fume la frappe jusqu'au fil. Et j'me vais comme Scofield. J'ai ma bûche, ma copine. Et une matraque télescopique. Faut qu'on nique tout. On est sur planète rap. Faut qu'on nique tout. On est sur planète rap. Faut qu'on nique tout. On est sur planète rap. Faut qu'on nique tout. On est sur planète rap. Faut qu'on nique tout. On est sur planète rap. Faut qu'on nique tout. On est sur planète rap. Faut qu'on nique tout. C'est dans Red Platine. Faut qu'on nique tout. Là j'accélère, j'ai mis le noce. Ils veulent faire la strip mais sur eux j'ai mis le dos. J'suis tellement en forme, j'pourrais me faire mis le boss. Et dans le rap je m'entends comme si j'avais fait mis le gosse. J'conduis automatique, celle-là c'est pour ma clique. Fidèle à Marseille comme un winner sans fanatique. J'appuie là j'm'applique, j'fais lancer les flics. Regarde la miss, elle fait le signe et elle est magnifique. Et dans le game, faut qu'on nique tout. Ils ont pas cru en nous, faut qu'on nique tout. Ils nous prennent de haut, faut qu'on nique tout. Ils savent pas qui on est, faut qu'on nique tout. Nique le Covid, Covid. Si tu vois les flics, Covid, Covid. Nique ce qui profite, profite. J'fume la frappe du Kofi, Kofi. J'fume la frappe jusqu'au filtre. HB vat comme Scofield. J'ai ma bûche, ma copine et une matraque télescopique. À planète rap, faut qu'on nique tout. À planète rap, faut qu'on nique tout. On est sur planète rap, faut qu'on nique tout. Très organisé, faut qu'on nique tout. Très organisé, faut qu'on nique tout. Très organisé, faut qu'on nique tout. Très organisé, faut qu'on nique tout. Très organisé, faut qu'on nique tout. Très organisé, très organisé. Très organisé, très organisé. Eh merci la zone. Grosse dédicace à ma team Joule. Grosse dédicace à tous les frérots enfermés dans toute la France, tous les quartiers de Marseille, tous les quartiers de France. Merci la zone, force à vous et merci la team Joule, je vous aime. Merci bien.